بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، c'est notre quatrième rencontre autour des fondements du fait de se comporter avec les gens. Nous avons vu hier le fait, le premier fondement, c'est le fait de se comporter avec soi, avec son nefs. Le deuxième comportement, c'est avec les parents. Le troisième, avec la femme. Et le quatrième, avec les proches. Et le cinquième, avec les enfants. Et aujourd'hui, ce matin, comment se comporter avec les musulmans en général ? Comment se comporter avec les musulmans en général ? تعامل المرء مع عامة المسلمين من أنواع التعامل، التعامل مع أهل الطاعة، التعامل مع عامة المسلمين. في partie des gens à qui tu as affaire, c'est les musulmans. En général, les gens de l'obéissance. Donc comment se comporter avec Allah Jalla wa Ala ja'ala haqq al-muslim 'ala al-muslim 'aziman. Ja'ala li kulli muslimin 'ala ikhwanihi al-muslimin huquqan. Wa ja'ala al-wilayata qa'imatan bayna al-mu'minina wa qala Jalla wa Ala wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'ni ba'dhum yuhibbu ba'dan. بعضهم ينصر بعضا، بعضهم يواد بعضا. Donc Allah Azza wa Jal, il a fait que le droit du musulman vis-à-vis du musulman est énorme et très important. Il a fait que le musulman, ses frères sont les musulmans. Tous les musulmans sont ses frères. Ils ont des droits. Il a fait que l'alliance existe entre les croyants. Il dit dans le verset, les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Les alliés les uns des autres, ça veut dire les uns aiment les autres. Les uns font triompher les autres. Il y a une fraternité entre eux. Et le comportement avec les croyants, c'est par rapport à leur foi, par rapport à l'iman, par rapport à leur croyance. والإيمان يتبعض لذلك تكون النتيجة أن المحبة والولاية تتبعض. Et l'iman, c'est la foi, c'est chez certains les grandes, chez d'autres les petites. C'est pas quelque chose qui ne bouge pas. C'est pas quelque chose qui stagne. Il est chez certains moyens, il est chez certains faibles, il est chez certains très grands, il est chez certains au sommet, etc. Donc l'alliance et le fait de les aimer, c'est par rapport à leur foi, par rapport à leur croyance. لأن الله جل وعلا رتب الولاية على أهل الإيمان. Allah subhanahu wa ta'ala رتب الولاية على الإيمان. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que la foi, que l'alliance se fait pour la foi. Les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. C'est pour ça que tu entends que la règle de l'ilm dans la mahabba, المؤمن للمؤمن أن المؤمن يحب بقدر ما عنده من الطاعة. C'est pour ça que tu entends la règle des hommes de science qui dit que l'amour du croyant vis-à-vis de l'autre croyant, c'est par rapport à la foi qu'il a, par rapport à son obéissance. Plus il est obéissant, plus tu dois l'aimer encore plus. Plus il est désobéissant, plus ton amour doit être moindre. يحب المؤمن بقدر امتثاله لأمر الله et l'aime le croyant par rapport à son obéissance à Allah Azza wa Jal. Si son obéissance est grande vis-à-vis d'Allah, donc son amour va être grand. فإذا كان عظيم الامتثال لأمر الله إذا كان عظيم الاتباع عظيم الإيمان فإن محبته أعظم. Donc quand il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala est grande, est énorme, et qu'il met en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et son suivi est énorme, bah ceci va en découler que l'amour que tu as pour lui beaucoup, doit être plus grand, doit être très grand, doit être de la même valeur que l'obéissance du croyant. C'est-à-dire que même dans notre amour vis-à-vis des croyants, on ne le fait pas selon nos passions. On aime qui il veut. Hein? Là, comme ce qui se passe entre nous. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se penche par certains. Même si, hein, s'il est dans la désobéissance, s'il transgresse, s'il fait des petites innovations, on ferme les yeux. On l'aime. Il est notre ami, il est notre intime, etc. Alors que la règle veut de nous que notre amour... Hein? Et notre alliance doit être relatif, il doit être par rapport à l'obéissance de la personne vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Hein? Plus la personne est obéissante, plus la personne, sa foi est grande, plus notre amour doit être grand vis-à-vis de cette personne. C'est comme ça la règle. وَكُلَّمَا قَلَّ الْإِيمَانِ فَإِنَّ الْمَوَدَّةِ لَأَنَّا تَبَعُ الْأَمْرِ الله جل وعلا ومناهيه فإن المودة تنقص بحسب نقصان الإيمان. Et plus la foi diminue chez quelqu'un, l'alliance, la fraternité suit. Parce que la fraternité et l'alliance suit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et suit les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand le mawadda, cette fraternité, cette alliance avec cette personne va diminuer par rapport à la foi. Par rapport à la diminution de sa foi, par rapport à la diminution de son obéissance à Allah. C'est ça la règle qui doit nous gérer. Et non pas nos passions, et non pas les sentiments et les relations d'avant, et ainsi de suite. فَإِذَا كَانَ الْمُؤْمِنُ مُسَدَّدًا فَإِذَا كَانَ الْمُؤْمِنُ مُطِيعًا فإن له أعظم أنواع الحقوق. Quand le croyant, il est dans la droiture, il accomplit le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est accompli sur le bon chemin, il est obéissant à Allah azza wa jal, ses droits sont beaucoup plus importants. Ses droits sont beaucoup plus importants. Et c'est ainsi que ça doit être. Et non pas comme nous on veut et comme nous on le fait. يعني تترتب له المحبة والنصرة ويترتب له جميع ما جاء في الكتاب والسنة من الحقوق. Cela veut dire que l'amour et le fait de l'aimer, de le faire triompher, hein, se fait comme il a été énoncé dans le livre d'Allah et dans la Sunna du Prophète. C'est-à-dire les droits qui sont énoncés, on doit s'en acquitter, qui sont énoncés dans le livre d'Allah et l'authentique de la Sunna, on doit s'en acquitter vis-à-vis de ce croyant obéissant à Allah Azza wa Jal. وكلما كانت درجته أقل ربما فاتت بعض تلك الحقوق بعض تلك الحقوق لأجل فوات بعض مراتب الإيمان عنده. Et quand son degré en foi diminue, certains droits vont diminuer aussi vis-à-vis de lui. Il ne va pas les avoir, il ne les aura pas mérités par rapport à sa foi. Par rapport à sa foi. Et cette règle, nous devons la mettre en application. Il a maîtrisé, il a comprendre. يقول الشيخ لهذا نجعل هذا النوع من التعامل خاصا بالمطيعين يعني بالمؤمن المسدد. Et c'est pour ça cette façon de faire et ce comportement particulier nous le réservons aux obéissants, à ceux qui sont accomplis min Allah azza wa jal, aux croyants qui sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et qui œuvrent. والمؤمنون درجات. Et les croyants sont à des degrés différents. منهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه. Et les croyants sont de trois catégories, comme ils sont cités dans le Coran. Ceux qui accourent vers le bien, ils accourent vers le bien, ils se précipitent vers le bien. Première catégorie. Deuxième catégorie, les économes dans ce qu'ils font. Et la troisième catégorie, ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. كما قال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فالسابقون بالخيرات والمقتصدون هؤلاء هم أهل الإيمان أهل الطاعة الذين يجب لكل يجب لهم كل ما للمؤمنين من الحقوق وكلما عظم المؤمن في إيمانه وكان مسابقا في الخيرات كان واجبا أن تكون محبته أعظم وأن تكون نصرته أعظم. فهؤلاء يعني المطيعين يعني المسددين لهم علينا الحق الأعظم. Il est dit dans le verset, nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Et fait partie de ces serviteurs ceux qui sont injustes parmi envers eux-mêmes. Et ceux qui sont économes. Et ceux qui sont qui accourent vers le bien. Avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un grand des bienfaits d'Allah. Ils accourent vers ce bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur permet, qui leur facilite. C'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala avec lequel il comble qui il veut parmi ses serviteurs. Et donc ceux qui accourent vers le bien et les économes, ceux-là ce sont les gens de la foi, les gens de l'obéissance. Il est obligatoire de les aimer, ils ont des droits. Et plus la foi de la personne est grande, plus il fait partie de ceux qui accourent vers le bien, plus il est obligatoire pour nous que notre amour, notre alliance doit être plus grande vis-à-vis de lui. Et le fait de l'aider, de le faire triompher, doit être énorme vis-à-vis de lui. Cela, ce sont les gens de l'obéissance, ce sont les gens que Allah subhanahu wa ta'ala a accompli. Leur devoir vis-à-vis, notre devoir vis-à-vis d'eux est énorme. من حقوقهم علينا الخاصة أن يكون عرضهم محفوظا. Il fait partie de leur droit particulier duquel nous devons nous acquitter vis-à-vis d'eux, c'est que leur honneur doit être protégé. Leur honneur doit être protégé. Et qu'on n'accepte pas qu'on parle mal d'eux et qu'on parle pas mal d'eux. Hein? Donc de là, tu vois que Rafida hein? Ne respecte pas l'honneur des compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et tous ceux qui s'aventurent à parler sur les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam ne remplissent pas ce devoir duquel nous devons nous acquitter vis-à-vis des croyants qui nous ont devancés, qui accourent vers le bien. Et parmi les croyants qui accourent dans le bien, les prioritaires et ceux qui y rentrent en priorité, ce sont les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et on les respecte pas, on les aime pas, et on parle mal d'eux. Et ceux qui parlent mal d'eux, mais ils n'ont pas respecté leur honneur. Ils n'auront pas réservé le droit qu'ils méritent. et que le droit que Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé. وأن يكون مالهم محفوظا يعني أن تسلم أخاك من أن تعتدي عليه في عرضه من أن تعتدي عليه في ماله من أن تعتدي عليه في أهله من أن تعتدي عليه بأي أنواع نوع من أنواع التعديات له من هذا الحق الحق الأعظم وإن كان كل مسلم سواء كان مطيعا أو عاصيا له هذا الحق ولكن حق المسلم المطيع أعظم وأكبر Donc il faut aussi protéger sa fortune. Tu t'accapares pas de sa fortune, de ses biens. Ça veut dire que tu dois épargner ton frère. Tu ne dois pas commettre d'injustice vis-à-vis de ton frère. Tu ne dois pas parler de son honneur, ni dénigrer son honneur, ni dénigrer sa personne, ni non plus t'accaparer de ses biens, ni faire du mal à sa famille. Tu dois commettre aucune injustice vis-à-vis de ton frère. Et celui-là, le croyant obéissant, a cet énorme droit. Et tous les musulmans ont ce droit. Ce droit est aussi le droit de tous les musulmans. Qu'ils soient obéissants ou désobéissants, ils ont ce droit-là. Mais celui qui est obéissant, hein? Vis-à-vis de lui, ce droit est énorme et beaucoup plus grand que celui qui est pervers, que celui qui est désobéissant, etc. فالصالح من عباد الله له حق أعظم في حفظ عرضه في حفظ في حضرته وفي غيابه وفي حفظ منزلته وفي حفظ موالاته بأن يدافع المرء عنه وأن يكون معه كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم مع بعض. Les vertueux parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur droit est énorme. Faut préserver leur honneur, que ce soit en leur présence ou là en leur absence. Et préserver leur place. Et préserver l'alliance qu'on a vis-à-vis d'eux. Et qu'on les défende, présent ou absent. Et qu'on soit avec eux comme étaient les compagnons de Mohammed a.s. entre eux. Comme ils étaient les compagnons de Mohammed a.s. entre eux. أما العصات أعني الظالمين لأنفسهم الذين تسلط عليهم الشيطان فأغراهم بعدم الطاعة أغراهم بأن يكونوا مطيعين لشهواتهم مطيعين لأنفسهم فهؤلاء في التعامل معهم أحوال. Quant aux désobéissants, aux injustes avec eux-mêmes, ceux que Shaitan s'est accaparé d'eux, il les a induits en erreur, il les a amenés vers la voie de la désobéissance. Ils obéissent, ils suivent leurs tentations, leurs passions, ils obéissent à leur ego. Cela se comportait, le fait de se comporter avec eux a des situations. Des situations différentes de l'un à l'autre par rapport à la désobéissance. والأصل العام في ذلك أنهم لهم الحق العام الذي للمسلم على المسلم. Et la base générale et la règle générale, c'est qu'ils ont le droit général duquel doit s'acquitter le musulman vis-à-vis du musulman. المسلم أخو المسلم. لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Le musulman est le frère du musulman, comme il est dit dans le hadith. Il ne commet pas d'injustice vis-à-vis de son frère. Il ne l'avilit pas, il ne le rabaisse pas, il ne l'induit pas en erreur. Et ça suffit qu'au mal à l'être, le fait de faire du mal à son frère en islam, et le fait de l'avilir et de rabaisser son frère musulman. C'est-à-dire que ça, c'est une situation mal. Ça, ce sont des droits généraux qui concernent tous les musulmans. وحق المسلم على المسلم ست كما جاءت في الحديث إذا مرض أن يعوده وإذا حمد الله أن يشمته وإذا دعاك فأجبه. Et les droits des musulmans sont au nombre de 6 comme ils sont cités dans le hadith. Il fait partie de ça quand il est malade, que tu ailles le visiter. Quand il est ternu, que tu lui fasses dua. Et quand il t'invite, que tu répondes à son appel. À son invitation jusqu'à la fin de ce qui est arrivé dans le hadith. Il a akhir ma jaa fi al hadith. Hadi huquq tashmal al muti' wa tashmal al 'asi. Ces droits là concernent l'obéissant et le désobéissant. Lakin kayfa yata'amalu ma al muslim? Kayfa tu'amil al mu'min ma al ta'amul al mu'min ma al 'usat? Mais comment doit se comporter le musulman? Comment doit se comporter le croyant avec les désobéissants? Comment il doit se comporter? هل يعاملهم بالكفهرار في وجوههم؟ هل يعاملهم بالهجر؟ Maintenant, est-ce qu'il doit se comporter avec eux en étant crispé dans le regard avec eux tout le temps? Est-ce qu'il doit s'occuper d'eux? Il doit avoir un comportement avec eux en les mettant à la quarantaine, ou ne leur parlons pas, ou les délaissons? هل يعاملهم بالمخالطة في حال المعصية وفي حال الطاعة؟ ما هي درجات التعامل مع العصاة؟ Maintenant, est-ce qu'il doit se mélanger avec eux tout le temps, au moment de l'obéissance et au moment de la désobéissance? C'est quoi les degrés du comportement que nous devons avoir vis-à-vis de des désobéissants? من جهة الهجر هجر المسلم إذا كان لحق النفس يعني حق لحق الدنيا فإنه لا يجوز أن يهجر المسلم أخاه ولو كان عاصيا أن يهجره فوق ثلاث. En ce qui concerne le fait de mettre le musulman à la quarantaine, de ne pas lui parler, de ne pas le calculer, si c'est pour toi et pour les choses de ce bas monde, il ne t'est pas permis de le faire au-delà de 3 jours. Si c'est pour ton nefs, et pour toi, et pour les choses de ce bas monde, tu n'as pas le droit de le mettre à la quarantaine pendant plus de 3 jours. قوله لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يعني إذا كان في حق من حقوق الدنيا إذا كان في أمر لك في شيء في قلبك تكلم عليك يعني شيء تعدى شخصيا صار بينك وبينه شحناء مرادات مرادة في الكلام بغضاء إلى آخره فهذا هو الذي لا يجوز أن تهجر هذا الذي يجوز أن تهجره إلى 3 أما فوق 3 فلا يجوز أن تهجره في ذلك ولو كان عاصيا وحقه في ذلك الذي به يزول الهجران أن تسلم عليه كما قال في الحديث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما من يبدأ السلام. Et dans la parole du prophète والسلام, qui dit il n'appartient pas aux musulmans de mettre son frère à la quarantaine au-delà de 3 jours et de ne le pas prendre en considération de ne pas lui adresser la parole au-delà de 3 jours, cela concerne les choses du subamonde. Dire, il y a eu un problème entre toi et lui. Et dans ton cœur, s'est installé quelque chose dans ton cœur. Il a parlé sur toi, au mal. Hein? Il a été injuste vis-à-vis de ta personne. Vous avez eu une discussion et hein, il y a une certaine sévérité dans les paroles. Et des mauvaises paroles se sont échangées entre vous. Celui-là, tu n'as pas le droit de le mettre à la quarantaine plus de 3 jours. Parce que c'est pour des choses de ce bas monde. Au-delà de 3 jours, tu dois couper. Hein? Tu dois reprendre à lui parler et qu'il te parle aussi. au-delà des 3 jours, il n'est pas permis de ne pas le prendre en considération ou de le mettre à la quarantaine. Même s'il est désobéissant. Et son droit, tu vas t'en acquitter en le saluant. C'est-à-dire, au-delà de 3 jours, tu le rencontres et tu lui dis « Salam alaikum ». Parce qu'il est dit dans le hadith, il se rencontre, celui-là, il fait la gueule à celui-là, celui-là, il se détourne de celui-là. Et le meilleur parmi eux, c'est qui? C'est celui qui commence « Salam ». Hein? Et ça, même le désobéissant rentre dedans. Quand ça concerne dunya, ça concerne ta personne, etc. Amma al-hajru li haqqillah jalla wa ala fa huwa ala martabatayn kama qala shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah wa ghayruhu min al-muhaqqiqin min ahli al-ilm. Hajrun min jihati al-wiqaya wa hajrun min jihati al-ta'dib. Quant au fait de le mettre à la quarantaine par rapport au droit d'Allah, par rapport à la religion, par rapport au droit d'Allah Azza wa Jal, cela, il a 2 degrés. Il est divisé en 2. Comme il a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Et d'autres parmi les authentificateurs, parmi les hommes de science. Le mettre à la quarantaine pour se préserver de lui. Là, c'est le premier. Le mettre en considération pour l'éduquer. Là, c'est le deuxième. 2 formes de délaissement ou de mettre à la quarantaine. 1 pour que toi, tu te préserves. Et 1 pour l'éduquer. يعني بذلك هجر يراد منه الوقاية وهجر يراد منه التأديب. Dans le hajr ici, c'est 2 formes de hajr. 1, il est voulu avec le fait que tu te préserves. L'autre est voulu avec le fait d'éduquer la personne en le mettant à la quarantaine. أما هجر الوقاية يعني هجر العاصي والمبتدع ونحو ذلك هجر الوقاية فأن تقي نفسك أن تسمع منه وأن تخالطه في معصيته حتى تقي نفسك من أن تتأثر به. لأن الإنسان يتأثر بطبعه، إما أن يؤثر وإما أن يتأثر. Contre au fait de délaisser quelqu'un pour s'en préserver, tu délaisses et tu quittes, tu le mets à la quarantaine, le désobéissant et l'innovateur, hein, pour t'en préserver, hajr al-wiqaya, pour que tu te protèges, tu ne l'écoutes pas. N'écoute pas ces innovations, ces énormités pour que tu te préserves, que les ambiguïtés ne s'installent pas dans ton esprit et que tu ne te mélanges pas avec le désobéissant pendant qu'il commet des désobéissances et des péchés pour te protéger. Parce que l'être humain de nature, il est influençable. Soit il influence, soit il se fait influencer. L'un des deux. C'est pour ça, frère Allah Azza wa Jal, tout un chacun qui apparaît que c'est clair, hein, qui monte sur un minbar ou qui fait cours et que c'est clair, il dénigre la voix des puiseurs d'Allah alayhim et que c'est clair qu'il traite la voix des puiseurs d'Allah alayhim et qu'il dit en dénigrant si wahhabi et ainsi de suite et qui fait la différence, qui dit vous savons d'Arabie Saoudite ou de ce genre d'expression, tu dois le délaisser pour Allah, pour te protéger, non pas pour lui, pour toi, pour que toi tu te préserves, et tu préserves ton cœur, pour que les ambiguïtés ne rentrent pas dedans. Hein? Et tu dois faire très attention à ça, parce qu'il en va de ta religion, il en va de ton cœur qui va gober. Ne fais pas de ton cœur une éponge qui absorbe tout. Blinde ton cœur et qu'il soit comme une glace, comme un miroir. Les choses se reflètent dedans et tout ce qu'il faut doit repartir de l'autre côté, éjecter de l'autre côté. Faire très attention à ça. à notre niveau, maintenant, quand on délaisse quelqu'un pour l'innovation, on le délaisse pour se protéger. Hein? Parce que nous n'avons pas l'immunité scientifique. Nous ne sommes pas blindés au niveau des règles et de la science pour pouvoir contrer ces ambiguïtés. Ah, là, il vient et tu dis, il n'y a pas de mal à écouter Aïd al-Qarni. Et quoi? Viens que je te fasse écouter ce que dit Aïd al-Qarni de Jama'at Tbilir. Il dit qu'il leur fait. Zemzem vous passe salam. Mecca vous passe salam. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes rentrés. Vous avez ramené les guidés dans toutes les maisons. Viens. Ah, lors de sa dernière visite à Paris. Je me dis, il n'y a pas de mal chiqué, on va s'asseoir. Et les hommes de science sont nombreux. Hein? Ah, il te dit, Mohamed Hassan, il n'y a pas mieux. Viens. Viens voir maintenant, écoute les critiques qu'on font les demandeurs de science égyptiens. Comme Lotfi Amel et autres. Hein? Qui ont des licences au niveau de la législation. Et Lotfi Amel, il est le président de l'association des Ansar Sunna d'Amanhour. Il a fait une énorme risala sur Hassan Yaqub et sur Mohamed Hassan et sur la Qutbiyya qui les caractéristique. Et il dit clairement comme quoi ce sont les rénovateurs de la Qutbiyya avec un style qui influence. Il faut que tu fasses très attention. Il cherche frère en Allah Azza wa Jal contre les hommes de science. Avertissent contre un innovateur, c'est pas par un parce qu'ils ont un problème avec la personne. Il s'agit de la religion d'Allah. Si ils n'ont pas d'erreur, là ils les aiment en Allah. Et combien ils sont heureux, les hommes de science, d'avoir beaucoup de du'at qui défendent le manhaj et qui sont partout. Parce que malgré le nombre qu'il pourra y avoir, ce n'est pas suffisant. Il faut bien que tu saches ça. Il n'y a pas de problème personnel. Il s'agit de la religion, frère en Allah, Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala fait que ce moyen qui est la réputation du mal et de l'innovation, il la réplique aux gens de l'innovation, fait que c'est un moyen pour protéger la religion. Hein? Donc, pas venir avec des ambiguïtés, on va écouter qui? Ya akhi, subhanallah, on va écouter qui? Cheikh Nasser, ça ne te suffit pas. Cheikh Bnoubaz, ça ne te suffit pas. Cheikh Al-Utaymin, ça ne te suffit pas. Cheikh Mokhbil, ça ne te suffit pas. Certains de nos frères, certains de nos du'ats, de nos frères du'ats, en Hollande, fois ils ont compté, si quelqu'un veut acquérir la science de Cheikh Al-Utaymin, de Cheikh Bnoubaz, de Cheikh Al-Albani, au niveau de leur audio, de leur écrit, de leur livre, il leur faut 20 ans pour terminer, que pour les 3 ans. Adl et Cheikh Mokbel, il laisse la science des autres. Adl, les 3 là. Si tu veux étudier leur livre et leur audio, il te faut 20 ans. Tu parles de l'étude, pas écouter quand tu es dans une voiture et tu parles avec les autres, etc. Étudier. Il te faut 20 ans à Khalil Islam. On ne dit pas, il n'y a pas. Et ces jeunes de hâte, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre de plus que Cheikh Nasser et Cheikh Bnoubaz et Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi? Ils vont te ramener quelque chose de plus. Dans le meilleur des cas, ils vont te dire Qala Al-Albani, rahimahullah, Qala Bnoubaz, rahimahullah, Qala Al-Utaymin. C'est tout. Donc, tout en t'amenant du poison. Alors, au lieu de te faire avoir et d'avaler un poison qui va tuer ta religion, il vaut mieux que tu ailles directement. Tu t'acharnes à apprendre la langue arabe et que tu ailles directement écouter directement Bnoubaz, écouter directement Cheikh Nasser, écouter directement Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhim. Hein? Au lieu d'écouter ces gens qui vont te ramener des ambiguïtés et qui vont te donner l'audace à critiquer les hommes de science. Hada qui est en face de toi, qui parle mal des hommes de science d'Arabie Saoudite, ou d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le fait de rendre mécréants les gouverneurs des pays de l'islam, et parce qu'ils ne voient pas le jihad partout, à tous les coins de rue, et que lui, il veut le jihad partout, il voit le jihad partout, il voit la mécréance des gouverneurs du pays de l'islam. Hein? C'est pourquoi il les critique? Justement à cause de ça. À cause des règles. Qu'il y a des règles à respecter. Et qu'il y a un manhaj, qu'il y a une voie. Qu'il y a une législation. Ouais, il n'aime pas ça. Parce que lui, il veut suivre ses passions. Il veut suivre l'idéologie de son groupe. Hein? Et pour ça, il faut faire très attention, frère en Allah, Azza wa Jalla. Ton cœur, tu n'es pas responsable. Le cœur, il s'appelle le cœur parce qu'il se tourne. Al-qalbu li'annahu yata'allab. Et aujourd'hui, il voit clair et demain, il va voir sombre. Et à force d'écouter ce genre d'énergumène, hein, qui parle mal des hommes de science et qui rendent mécréants les gouverneurs des pays de l'islam et tout ce qui bouge, bah ton cœur il va être atteint. Préserve-le, frère en Allah, Azza wa Jalla. Et quand tu délaisses ces personnes-là, c'est en priorité, c'est pas pour les éduquer eux, c'est pour toi. D'abord, à notre niveau, nous, c'est pour se protéger d'eux. Parce qu'on n'a pas d'immunité scientifique, on n'a pas de règles, on ne sait pas décerner les choses. Adèle vient et te dit, ouais, moi j'écoute et je prends le bien qu'ils ont et je laisse le mal. Comment tu sais faire la part du bien de Dieu? Comment tu peux arriver à le sortir? Comment tu vas faire? C'est quoi tes règles? Hein? Subhanallah. Tu t'envoies dans la gueule du loup comme ça et tu dis c'est pour faire. Hein? Beaucoup qui ont agi ainsi, maintenant tu le vois, ils sont des kfiri, ils sont ceci, ils sont des khutbi, des surah. Rien ainsi de suite. On l'a dit, ikhwan fini, éclaté. Hein? Le minimum, ils l'ont plus. Avant, ils avaient une barbe. Avant, leur pantalon ou leur chemise remontait au-delà de leur cheville. Maintenant, leur pantalon, il essuie, hein, les urines des chiens dans les ruelles des villes de France. Et leur visage, qui était embellé par la barbe avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés, ils la vendent pour rien du tout, tout en payant. Hein, la Minora ou la Wilkinson, hein? Et c'est eux qui payent en plus. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, salam wa ta'ala. Il faut faire très attention, frère en Allah, Azza wa Jalla. Et que tu saches que quand les hommes de science mettent un avertissement contre qui, c'est pas. Parce que certains maintenant, tu dis, ouais, mais ces savants d'Arabie Saoudite ne savent que critiquer les autres. Ya akhal Islam. Des hommes de science ont critiqué de partout. Ce qui doit être critiqué, ils l'ont critiqué. Qu'il soit marocain, qu'il soit algérien. Cheikh Taqi Dil Hilali, il a critiqué les sectes d'El Tijani. Il a critiqué tout ce qui était des domaines de l'innovation. Et pourtant, il était marocain. Cheikh Ibn Badis, il en a fait de même. Pourtant, il est algérien. Cheikh Mokhbel, il en a fait de même. Pourtant, il est yéménite. Les savants du hadith de l'Inde, ils ont fait de même. Ils sont hindous. Les Égyptiens ont fait de même. Et qu'on arrête d'envoyer cette ambiguïté. Hein? Et qu'on arrête que ça, c'est une nouvelle voie. C'est la voie du Cheikh Rabi' et du Cheikh Mohamed Amal Jami. C'est pas une voie nouvelle. Allah, il a répliqué aux juifs. Allah, il a répliqué aux chrétiens. Allah, il a répliqué aux hypocrites. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a répliqué. Et les compagnons l'ont fait aussi. C'est une voix. Hein? Il a répliqué. Ça fait partie de l'islam. L'islam. Mais ce sont. C'est une spécialité énorme. Il y a. C'est dû aux hommes de science. C'est entre les mains des hommes de science. C'est pas entre les mains de n'importe qui. Il a répliqué ce fait scientifiquement. C'est pour ça, tu vois que les livres de réplique, c'est quoi? Elle te cite la parole de l'innovateur à qui il réplique. L'édition, l'année de l'édition, le numéro de l'édition et la page. Et après, il l'épluche. Hein? Il te montre, hein, le cas de l'erreur où il est. L'innovation, il est où? Au niveau des cassettes, ils font du même. Tu ramènes la face. Il y a quel niveau de la face, la mauvaise parole, la mauvaise idée a été glissée. Et il la refute. Ce n'est pas un règlement de compte. Ce n'est pas des voyous, hadou. Ce sont des hommes de science qui craignent Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit d'eux, innama yakhshallaha min ibadi al-umlama. Allah, il a dit d'eux, certes, ne craint Allah que les hommes de science. Donc, il faut couper court à ces ambiguïtés. Il ne faut pas se faire avoir. Et surtout, problème de la jeunesse en Europe, chaque fois qu'il y a un beau parleur blédiste qui maîtrise l'arabe, ça y est, on tombe comme des mouches. Eh, l'islam, je regarde qui il est, c'est quoi la valeur de la sunna sur lui, comment il est. Ne plus Erdogan, il faisait des voyages, il faut de 3000 km de plus pour aller apprendre chez quelqu'un. La première chose qu'il regardait, la sunna dans son apparence, de sa tête aux pieds. S'il voit la sunna apparente, alhamdoulillah, une étape de passé. Il ne suffit pas. Il regarde sa prière, comment il est. Si sa prière correspond au hadith du prophète, alayhi salam, priez comme vous m'avez prié, alhamdoulillah, il s'assoit. Voilà le baromètre. Là, en général, en Europe, dès que quelqu'un il vient, un blédiste, il commence... Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh. Il se force à se donner un style dans la voix, etc. On tombe. Hein? Et quand ça fait mal, une fois qu'il s'est accaparé des cœurs et des esprits, et quand on demande après aux hommes de science qu'est-ce qui nous arrive, l'éclatement de notre groupe qui était uni à un moment donné, avant l'arrivée de cette personne, hein? Après on s'éclate en trois groupes. Le pour, le contre et les neutres. Hein? C'est pour ça qu'il faut faire très attention, frère Allah Azza wa Jalla. Et avant de permettre à qui que ce soit de s'asseoir sur une chaise pour enseigner, on demande avant. Même s'il faut du temps à demander, on demande avant. Hein? Parce qu'il en va de notre religion. Il en va du fait de préserver. Combien de groupes, combien de frères ils étaient liés, ils sont dans des régions lointaines, etc. Ils sont liés. Ils ont été éclatés par un beau parleur. Ils n'ont pas fait attention. Ils ont tellement soif de connaissances, etc. que ils n'ont pas fait attention. Ils n'ont pas pris les précautions. Ça les a éclatés après. Et la haine s'est installée entre eux. Enfin, parce que l'être humain, frère en Allah, Azza wa Jal, soit il influence, soit il t'influence. L'un des deux. Faïda khalat al-insan, yaqul al-shaykh, faïda khalat al-usat, wa hum ala ma'asihim, wa dhanna anna mukhalatatahu lahum, wa hum yumarisuna al-ma'asih annahu khayrun, فهذا من تسويل الشيطان له لا يجوز لك أن تخالط معاصيا حال عصيانه. إن الله عز وجل كنت المسلمون se mélange avec les désobéissants à Allah subhanahu wa ta'ala au moment où ils font leur péché. Ils croient que le fait d'être avec eux, que c'est bien, et que c'est bien d'être avec eux que au moment où ils commettent leur péché, cela une façon, shaitan, il le tire. Il lui embellit cette situation. Hein? Tu es dans la cité, tu as des anciens, tu as des amis qui sont anciens. Toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a comblé. Tu as commencé à prendre la droiture. Maintenant, il y a un bien en lui. Il commence à faire la prière, mais il encore dans certaines désobéissances. Ben, tu ne restes pas avec lui au moment de la désobéissance. Au moment où il se le roule, tu te loin de lui. Hein? Et ainsi de suite. Et je te passe les autres détails. Parce que si tu es là, c'est que tu es consentant, tu le réconfortes dans ça. À ce moment-là, tu le délaisses, tu es loin de lui. Pour qu'il sente que c'est pas bien ce qu'il est en train de faire. n'est pas permis d'être avec un désobéissant au moment où il commet son péché. Il faut s'en éloigner, frère en Allah, Azza wa Jal. وإنما تخالطه في حال عدم العصيان وتأمره وتنهاه وتحبب إليه الخير. Mais tu es avec au moment où il n'est pas dans son péché. Et quand tu es avec, tu lui ordonnes et tu lui interdis les choses et tu lui montres les chemins du bien et tu lui attires l'attention sur le chemin du mal et sur la situation qu'il fait que c'est pas bien. Tu ne le caresses pas dans le sens du poil. Hein? Si tu le caresses, tu le réconfortes dans ces situations, dans ces cas-là, c'est trop dangereux. Tu es dangereux pour lui. Tu l'enfonces. Hein? Tu l'enfonces. Et le croyant doit aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Toi, tu n'aimes pas être dans sa situation. Ben, il faut être un bon conseiller pour lui. Il faut au moment où il est dans la désobéissance, il t'en éloigne. Et au moment où il ne l'est pas, tu es avec, tu le conseilles. Tu attires son attention sur le mal dans lequel il est. Tu lui ouvres les portes du bien, tu l'orientes vers le bien. أما في حال عصيانه فلا يجوز أن تبقى وهو يعصي الله جل وعلا إلا أن تكون آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر. Mais au moment où il commet son péché, où il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas le droit de rester avec. Sauf si tu es là, dans la situation là, tu t'es retrouvé, et que tu ordonnes le bien et tu blâmes. Si tu y es là, à côté, tu ordonnes le bien et tu blâmes, oui. Mais si c'est là, tu es là et tu rigoles, alors qu'il est dans la désobéissance, là, à l'islam. Ou là, tu te tais, c'est-à-dire que tu es consentant. Tu le réconfortes. Tu lui rends aucun service. Et c'est très dangereux pour toi. يقول الشيخ هذا النوع من الهجر هو هجر الوقاية يعني أن تهجر أخاك المسلم أن تهجر هذا العاصي حال ممارسته للمعصية حال غشيانه لما لا يرضي الله عز وجل هذا الهجر يسمى هجر وقاية. Chef de nous dire cette façon de mettre à la quarantaine, c'est pour se préserver. Mettre à la quarantaine pour se préserver. Tu mets à la quarantaine ton frère musulman. Tu mets à la quarantaine ce désobéissant à Allah au moment où il commet son péché. Au moment où il fait des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime et n'agrée pas. Pour te protéger. Et ça, ça s'appelle l'hajr wiqa'i. L'hajr pour se préserver. واما النوع الثاني من الهجر فهو هجر التأديب يعني التعزير ان تهجره لكي تصلحه. Et la deuxième forme de l'hajr, c'est l'hajr éducatif. La mise à la quarantaine, mais éducatif. Tu le mets à la quarantaine. Pour qu'il s'éduque, tu le délaisses, tu ne le prends plus en considération. Pour qu'il se pose des questions et pour qu'il remédie à ses lacunes et qu'il revienne vers la vérité et vers la voie droite. Et qu'il délaisse ce qu'il fait, il est en train de faire au mal. Wal aslu fi dhalika. النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فنزل فيهم قول الله عز وجل في آخرة سورة براءة وعلى الذين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه هؤلاء الثلاثة هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بأن يهجروهم فلا يكلموهم ولا يبايعوهم ولا يشاوروهم حتى إن هؤلاء ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. Et l'origine de ce hajr éducatif, C'est ce qu'il a fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Pour les trois qui se sont absentés de la bataille de Tabouk. Jusqu'à ce que le verset est descendu min Allah azza wa jal concernant ces trois ridwanullah alayhi. Parce que la terre est devenue très serrée pour eux. Ils ne savent plus où se mettre. Ils ne se reconnaissaient même pas eux-mêmes. Même leur nefs était serré. Psychologiquement, ils étaient mal. Et donc l'origine de ce hajr, les hommes de science l'appellent le hajr éducatif. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens de ne pas leur parler à ces trois. De ne pas commercer avec, de ne pas leur demander conseil. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes ne se reconnaissaient plus. Ils étaient dans une situation psychologique énorme. Tel point qu'à un moment donné, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre à leurs femmes de les quitter. Les femmes étaient allées voir est-ce qu'ils divorcent. Ils ne divorcent. Elle dit non, mais vous restez plus avec. Un était âgé parmi eux. Sa femme a demandé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à Rasoulallah, il ne peut rien. Est-ce que je peux rester au moins lui faire, lui préparer les choses, ses besoins, etc. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'autorisation. Et ça a duré 50 jours à l'islam. L'hajr, c'est quelque chose qui fait partie de la religion. L'hajr éducatif, l'hajr de se préserver, fait partie de notre religion. هذا الهجر نوع من انواع التعزير قال العلماء هذا الهجر من هذا النوع من الهجر يكون في حق من يصلحه الهجر ست الهجر éducatif délaisser quelqu'un à la quarantaine pour l'éduquer c'est une forme de châtiment de comment vous l'appelez de punition et cette forme de hajr s'applique vis-à-vis de celui que le hajr, on sait que ça va être bon pour lui. Parce qu'il y a des personnes, ça ne peut pas être bon pour eux. Mais il s'applique pour ceux que ça va être bon pour eux. Amma man la yuslihu al-hajr, wa innama yazidu tughyanan, wa innama yazidu sharran, fa hada la yuslih lahu al-hajr. Lianna al-hajr, nou' min al-ta'zir. Et donc le hajr éducatif, il s'applique pour ceux, on sait que ça va leur être bénéfique. Quant à ceux, le hajr ne va pas leur être bénéfique. Ils vont tout simplement dépasser leurs limites et leur mal va augmenter. Cela, il n'est pas permis de les hajr. Car le hajr, c'est une forme de punition pour éduquer. وَهَذَا إِنَّمَا يُصْلُحُ مَنْ كَانَ فِي هَجْرِي سَلَاحًا بِالْهَجْرِ بالهجر بالهجر والشرع et ce genre de personne s'utilise le hajr vis-à-vis de lui vis-à-vis et s'utilise la législation vis-à-vis de lui pour l'éduquer et pour qu'il réfléchisse à sa situation et qu'il remédie à sa situation. بعض الناس إذا لقيته فلم تكلمه لذنب فعله أو لفريضة فرط فيها أصلح قلبه وتحرك ذلك في نفسه لأنه لا غنى له عن إخوانه. Certaines personnes, si tu le trouves dans ton chemin et tu lui parles pas pour un péché qu'il a commis ou pour la négligence de certaines obligations, il remédie à sa situation, il se corrige, il purifie son cœur, parce qu'il ne peut pas faire autrement, il a besoin de ses frères, il a besoin d'être au milieu de ses frères, de ne pas être rejeté. لكن من الناس من إذا هجرته ولم تخالطه وتركت السلام عليه تركت الإتيان له فإنه يقول هذه أحسن ساعة التي لا أرى فيها فلانا وهذا لا شك أنه مما لا يوافق المقتضى الشرعي. Mais il y a certaines personnes, si tu le mets à la quarantaine et que tu ne vas pas chez eux, tu ne les salues pas, tu ne leur parles pas, c'est le meilleur des moments pour moi que cette personne, je ne la vois pas, que cette personne ne me parle pas. Il n'y a aucun doute que cette personne, hein, le fait de la délaisser, ça ne convient pas, ça ne va pas de pair avec la législation. لما لأن الهجرة نوع من أنواع الإصلاح نوع من أنواع التأديب والتعزير وإنما يهجر من يصلح الهجر من شأنه car le fait de délaisser quelqu'un et de mettre quelqu'un à la quarantaine c'est une réforme, c'est une forme éducative, c'est une forme de punition ou d'éducation. Et le hajr, on l'utilise pour celui dont le hajj va être bénéfique. Hada, il concerne qui? Le rosat, les désobéissants qui font Hada. Hada, tu vois la situation. Si tu es quelqu'un de très intime à lui et qu'il sait que ton visage change vis-à-vis lui, ton regard se change, tu l'utilises parce que tu sais ça va l'atteindre dans son cœur. Il va se poser des questions. Et quand il se posera des questions, là on voit quelqu'un. Demande à tel pourquoi il ne me parle plus. Pourquoi il n'est pas passé me voir comme d'habitude. Si tu sais qu'il va agir ainsi. Et à ce moment-là, tu vas le voir. Tu lui dis, voilà pourquoi. Ça va le faire réfléchir. Ou là, avant d'aller le voir, tu envoies la personne qui est venue. Tu lui dis ça. Il a fait ça. Il doit craindre Allah. Hein? Et cette situation de celui-là, elle est différente de celui qui prêche. Hein? Qui appelle vers une innovation. Tout à fait différent. Hada, tu t'en éloignes parce que tu dois te préserver. Tu dois préserver ta religion. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم على أنواع الهجر أحكام وأنواع ويختلف الأجر باختلاف الناس وباختلاف أحوالهم وباختلاف بلدانهم حتى هجر المبتدع يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف البلدان والأصل في الهجر أن يكون للإصلاح أن يكونون لإصلاح النفوس ولإظهار شعيرة الإسلام ولإظهار عزة المسلم. شيخ الإسلام بن تيمية jusqu'à tel point que شيخ الإسلام بن أدي رحمة الله عليه quand il a parlé des différentes formes de mettre à la quarantaine et les lois qui en découlent et les différentes catégories de personnes et les différentes situations dans lesquelles se trouvent les personnes et les différents pays aussi. Sur l'âge, tu prends en considération beaucoup de choses dedans. La situation de la personne, le pays, etc. Et des fois même, le fait de délaisser un innovateur, c'est selon les situations et selon les pays. Parce que des fois, ça peut entraîner un mal beaucoup plus grave. Et donc, il faut être vigilant dans ces cas-là. Et dans ces cas-là, tu as besoin d'un éclaircissement d'homme de science. Hein? Et de bien détailler ta situation et la situation dans laquelle tu es à l'homme de science. Parce que le hajr, c'est pour ramener vers le bien, pour éduquer. Et parce que c'est pour faire apparaître un des emblèmes de l'islam. Et pour faire apparaître la force de l'islam. Wa Sheikh Yaqul, hafidhahullah, wa ta'amulu مع العاصي بالهجر هذا تفصيل الكلام فيه. Il dit حفظه الله تعالى que le comportement avec les désobéissants, c'est ça le détail dans ce sujet-là et à ce niveau-là. يقول وخلاصته أن الهجر يكون في حق من يصلحه الهجر من يجعله يقلع عن المعصية أما من لا يقلع من تعلمه لا يصلي من تعلمه لا يزكي من أما من لا يقلع من تعلمه لا يصلي من تعلمه لا يزكي من تعلمه يخشى المحرمات فإنك تواصله في حال لا يكون فيها مواقع للمحرمات وتأمره وتنهاه وتحبب له الخير وتقربه من الخير وتباعده من الشر لأن الهجر لا يصلحه وإذا هجرته ربما كنت عونا للشيطان عليه لأنه قد لا يجد من يرشده ومن يعلمه ومن يأمره ومن ينهاه. Il dit en résumé, le hajr, on l'utilise vis-à-vis de la personne qu'elle, on sait que ça va faire du bien. Vis-à-vis de la personne qui va délaisser sa désobéissance. Quant à celui, tu sais qu'il ne va pas délaisser. Tu sais qu'il ne va pas prier. Qu'il ne va pas se purifier. Qu'il ne va pas donner sa zakat. Et celui que tu sais qu'il tombe dans, transgresse les lois de Allah subhanahu wa ta'ala. Tu entretiens la relation avec. Au moment où il ne transgresse pas les lois d'Allah azza wa jal, pour lui ordonner, et pour lui interdire, et pour le blâmer, et pour lui montrer les chemins du bien, et pour lui montrer les inconvénients du mal, et ce qui va décoller des actes du mal, car le fait de le délaisser ne lui convient pas à sa situation. Le fait que tu le délaisses, ça peut être peut-être une aide à Shaitan. Tu laisses la place à Shaitan qui va s'accaparer encore plus de lui. Bah, il ne trouvera personne pour l'orienter vers le bien et pour lui apprendre la prière, lui apprendre les bonnes choses et ce qu'il doit faire. Il n'y a personne pour lui ordonner, etc. Et donc, dans ce cas-là, Shaitan va s'accaparer encore plus de lui. Fil hal l'okhra. حال دعوة العصاة العاصي لا يظن مهما بلغت معاصيه ولو كان يشرب الخمر ويزني ويسرق ويرابي لو كان على هذه الحال لا يظن أنه ما دام مسلم أن قلبه خلا من الخير بل لا تزال نفسه تؤنبه ما دام مسلما تؤنبه على فعل تلك المعاصي لأن المسلم بما عليه من الإسلام لا يقر نفسه مع المعصية بل تجد في نفسه بغضا. Et dans l'autre situation, au moment où tu fais da'wa ou désobéissant, ne crois pas que malgré le degré de désobéissance dans lequel tombe le désobéissant, même s'il boit du vin, même s'il tombe dans l'adultère, même s'il vole, même s'il fait des transactions usuaires, tant qu'il est musulman, sache que son cœur n'est pas vide du bien. Il y a du bien dedans. Il sache aussi qu'au moment où il commet ses péchés, il est réprimandé de l'intérieur. Il a des remords dans son intérieur pour les péchés qu'il commet. Car le musulman n'agrée pas la situation de désobéissance. Il y a quelque chose en lui qui le réprimande et qui le blâme. En lui, il déteste cette désobéissance. Ça, des fois, tu pars, toi, pour le Fajr et tu rencontres des jeunes qui sont en train de fumer ou de boire, etc. Tu regardes comment ils agissent tout de suite. Ils cachent et des fois, ils se brûlent même avec leur pétard ou avec leur cigarette en essayant de la cacher derrière, etc. Et ça lui brûle dans la main. Parce qu'il y a quelque chose dans son cœur qui le réprimande. Et il sait qu'il est dans un mal. Et quand il voit quelqu'un qui est bien pour lui, qui est un exemple pour lui, il est mal dans sa situation. Donc il faut choisir les moments. À quel moment il faut aller lui parler? À quel moment il faut aller l'orienter? À quel moment il faut aller lui faire la leçon? Le moment bénéfique où son cœur va être atteint. Et tu ne sais pas le mot qui va faire le déclic. Et quel moment, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Donc de temps en temps, tu vas le voir. Et surtout quand il n'est pas dans cet état, quand il n'est pas en train de faire son péché. يقول الشيخ هذه الخصلة التي في قلب ذاك العاصي هي التي ينبغي أن ينظر إليها وأن تعظم في نفسه. الشيخ dit cette caractéristique qu'il y a dans le cœur de ce désobéissant qui le réprimande, c'est ça qu'il faut voir en lui. Et c'est ces remords et cette chose qu'il démange à l'intérieur qu'il faut grandir en lui. Et que partant de ce point là tu le prends comme point de départ pour lui faire aimer le bien et pour l'attirer vers le bien. والعبد لا ينبغي بل لا يجوز له أن يتعاظم على العصاة وأن ينظر نفسه فوقهم. Et le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas se montrer plus grand et mieux que les désobéissants. Et comme quoi qu'il est meilleur qu'eux. وَأَنَّهُ لَاِكَ مِنْ حَالِهِمْ كَدَى وَهُوَ حَالُهُ حَالُ أَهْلِ الطَّاعَةِ وَيَنْظُرْ إِلَى نَفْسِهِ وَيَجْعَلْ نَفْسَهُ مُتَعَالِيًا عَلَى أُولَئِكَ الَّذِينَ عَصَوْا. لَا بَلْ كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. Donc, quand le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas avoir un regard hautain vis-à-vis des désobéissants. Pas se dire, regarde la situation dans laquelle ils sont, et se remplir d'orgueil et de ce, du fait qu'il est supérieur à eux. Hein? Moi, je suis dans l'obéissance, ils sont dans la désobéissance. Moi, je suis obéissant, eux, ils désobéissent à Allah, Azzawajal. Il est dit dans le verset, et ainsi vous étiez auparavant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a comblé de ses bienfaits. Ainsi vous étiez auparavant. Chacun de nous voit d'où il est venu. Hein? Les situations dans lesquelles il était auparavant. Avant d'être hautain vis-à-vis des autres. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ouvert le cœur. Il faut que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu meurs sur cette situation. Parce que ton cœur, tu le... C'est pas toi qui le commande. Allah subhanahu wa ta'ala le tourne quand il veut. Et comme il veut. La situation n'est pas acquise. قد قال ابن القيم رحمه الله في وصف حال المسلم حين ينظر الى العاصي. Et ابن القيم رحمه الله عليه il a dit dans la situation du croyant. Dans la situation du musulman quand il regarde le désobéissant. وَجْعَلْ لِقَلْبِكَ مِقْلَتَيْنِ كِلَاهُمَا مِنْ خَشْيَةِ الرَّحْمَنِ بَاكِيَتَانِ لَوْ شَاءَ رَبُّكَ كُنْتَ أَيْضًا مِثْلَهُمْ فَالْقَلْبُ بَيْنَ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ فَتَنْظُرُ إِلَى الْعَاصِي نَظَرَيْنِ. Il a dit rahimahullah ta'ala, fais que ton cœur il a deux yeux et qui pleure de la crainte d'Allah Azzawajal. Et si Allah subhanahu wa ta'ala le voulait, il aurait tourné ton cœur, car les cœurs sont entre les doigts du Clément Azzawajal. Et tu dois regarder aux désobéissants avec deux regards. Vis-à-vis des désobéissants, tu dois avoir deux regards. Un nazar al-awwal rahmatan wa shafaqatan. ترحمه أن كان من العصاة ترحمه أن كان أسيرا لشهوته أسيرا للشيطان. Le premier regard que tu as jeté sur le désobéissant, c'est que tu aies de la compassion, de la clémence et un bon sentiment vis-à-vis de ce désobéissant, parce qu'il est prisonnier de ses tentations, il est prisonnier de الشيطان. لأن من الذي استعبده الشيطان لأن طاعة الشيطان نوع من العبودية كما قال عز وجل في سورة ياسين أنا ما عاد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. Parce que qu'est-ce qu'il l'a mis dans cette situation? C'est الشيطان qui l'a induit là. Il a suivi الشيطان. Et le fait de suivre الشيطان et le fait d'obéir à الشيطان, c'est une forme d'adoration. Il est dit dans le verset, j'ai pris le pacte sur vous, descendants d'Adam, n'adorez pas Shaitan. Et le fait de suivre Shaitan, de lui obéir dans ce qu'il nous dicte, c'est une adoration qu'on voit à Shaitan. Ibadatu Shaitan bi ta'ati. Fahada asarahu Shaitan. فإذا نظرت إليه نظرة رحمة نظرة رحمة كنت ناظرا إليه النظر الصحيح. Celui qui suit Satan, il l'a adoré. Comme il dit cher ici. Et donc Satan l'a pris comme prisonnier. Et quand tu jettes un regard, quand tu le regardes avec un regard clément. Un regard authentique, ce regard de clémence vis-à-vis de lui. هذا النظر الأول نظر رحمة. تنظر إليه بنظر القدر بنظر ما حصل له فتكون رحيما به مشفقا وربما بكت عيناك من جراء ما عصى ذلك الرجل أو تلك المرأة. Et c'est le premier regard que tu dois jeter vers cette personne, vers ce désobéissant. Ce regard clément, de clémence. Tu regardes par rapport au destin dans lequel il est. Par rapport à la situation dans laquelle il est, et que tu sois clément pour lui, que tu aies un bon sentiment vis-à-vis de lui. Et peut-être que tes yeux font couler leurs larmes de la désobéissance dans laquelle se trouve cet être humain, ou cette femme, cet homme ou cette femme. ثم تنظر إليه نظر آخر بنظر الحكم الشرعي نظر الأمر والنهي فتحمله على الأوامر وتحمله على البعد عن النواهي. Et après tu le regardes, un autre regard, le regard législatif, le regard au niveau de la loi d'Allah Azza wa Jal. Et dans ces cas-là, qui est le regard du fait de l'ordre et de l'interdiction. Et dans ces cas-là, tu lui ordonnes. Hein? Tu lui intimes l'ordre de s'éloigner de cette situation. Tu lui montres le chemin du bien. Tu lui montres le mal dans lequel il est, etc. Ah, dans notre regard qui doit être bien. Est-ce qu'on agit ainsi? Hein? Est-ce qu'on agit ainsi? Ou là, c'est tout simplement, on est hautain vis-à-vis des désobéissants. Chacun sait ce qu'il fait. Et chacun connaît sa situation. Posons-nous la question entre nous et dire, est-ce que je suis vraiment, j'ai ce regard vis-à-vis des désobéissants ou pas? فالعاصي ينظر إليه بنظر الرحمة تارة وينظر إليه بنظر الأمر والنهي تارة. Donc le désobéissant, des fois on jette un regard de clémence sur lui, et des fois on jette un regard législatif, hein? On lui ordonne, on lui interdit, on le blâme une fois ainsi, une fois ainsi. فالذي ينظر بنظر الأمر والنهي مستعظما على هذا العاصي ناظرا إلى نفسه ما دام أنه مطيع فهو أفضل من هذا فهو خير منه وما يدريك وربما كانت العاقبة لك غير حميدة والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. Donc celui qui regarde le désobéissant, le regard législatif, un regard de celui qui ordonne, celui qui interdit, en ayant la suprématie sur cette personne, et en se sentant mieux que cette personne, et mieux que ce désobéissant, en étant toi obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu te vois mieux que lui, qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que ta fin va être mauvaise, va pas être louable. Car les cœurs sont entre eux. Hein? Deux doigts parmi les doigts du clément Azza wa Jal, il les tourne quand il veut et comme il veut Azza wa Jal. فنظر الرحمة هذا ينتج عند العبد العمل الصالح ينتج عند العبد الدعوة ينتج عند العبد الخير. Le regard de clémence que tu jettes sur le désobéissant, cela, il va en résulter quoi? C'est que tu vas agir vis-à-vis de cette personne. Tu vas lui faire da'wa. Hein? Tu vas essayer de l'orienter vers le bien. والأمر والنهي ينتج عند العبد الدعوة ينتج عند العبد الخير والأمر والنهي ينتج عند العبد التوازن. Et quand tu agis avec clémence avec la personne, donc tu l'appelles vers le bien. Donc tu lui montres le chemin du bien. Tu as pitié pour lui, tu lui fais peur du chemin du mal dans lequel il se fait. Et quand tu jettes un regard au niveau législatif, cela, ça te permet quoi? D'avoir, d'être équilibré dans ton regard vis-à-vis de ceux désobéissants. Que tu as de la clémence et en même temps tu lui orientes vers le bien. Tu ne te tais pas sur le mal et sur les désobéissances qu'il fait. فإذا نظر نظرة رحمة دعا والأمر والنهي يجعله متوازنا في دعوته. Quand la personne jette un regard sur le désobéissant, un regard de clémence, il va le prêcher, il va lui ordonner, lui interdire, mais sa da'wa va être équilibrée. Sa da'wa va être comme il se doit, parce qu'il a ses deux regards sur la personne, le regard de clémence et le regard législatif. Donc tout va être équilibré. لأن من الناس من يدعو من جهة الحرمة جعل حاله مع العصاة أبشع حال وحتى جعل العاصي كأنه لم يعصي وساوى بين العاصي والمطيع وهذا من جراء مخالفة الأمر والنهي. Et il y a des gens qui appellent par exemple qui appellent d'une certaine façon. Il a fait de sa situation avec le désobéissant la pire des situations. Il a fait de la situation des désobéissants et de celui qui commet le péché comme il commet aucun péché. Et il a mis à pied d'égalité celui qui fait des péchés et celui qui est obéissant. Et celui-là, il ne sait pas ce qu'il fait. Il y a un déséquilibre dans la situation. Il y a un déséquilibre dans la situation. Donc il y a une situation équilibrée à avoir, à savoir que la personne doit sentir qu'il est dans la désobéissance. On ne doit pas lui embellir la situation, mais en même temps on ne doit pas être hautain vis-à-vis de lui, ni lui faire sentir qu'on est meilleur que lui. La ya khalis la. Et en même temps on ne doit pas l'enfoncer et lui embellir et faire comme quoi il ne fait rien du tout. فإذا حالك من جهة الدعوة من جهة النظر إلى العاصي أن تدور إليه من هذين النظرين وتتعامل معه على وصفهما. Donc ta situation du côté de la da'wa, du prêche que tu fais à ce désobéissant, c'est que tu le regardes avec ces deux regards, le regard législatif, le regard de clémence. Et tu agis ainsi avec, en partant de ces deux regards. أن تنظر إليه تارة رحيما بارا به شفيقا خاصة إذا كان من الأقربين والد أو والدة أو أخ أو أخت أو صديق حميم أو et que tu aies un regard de clémence vis-à-vis de lui, surtout quand il est proche de toi. C'est ton père, c'est ta mère, c'est ta sœur, c'est ton frère, c'est un ami intime avec lequel tu as eu beaucoup d'années. وتنظر إليه بنظر آخر فتأمره وتنهاه على وفق الشرع بما يجب إليه يحبب إليه الخير وبما يبغض إليه الشر. Et donc dans ces cas-là, tu le regardes quel regard? Avec le regard. Le deuxième regard, c'est le regard que tu lui ordonnes et que tu lui interdis selon la législation. Et tu le fais de la façon, de la manière, des façons pour lui faire aimer quoi? Le bien. Et pour lui faire détester le mal. Nous allons arrêter là, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.